Chapitre 20. Quand il fallut partir, il se trouva qu'Yves était beaucoup plus gris qu'on aurait pu le croire. Dehors, il enfonçait jusqu'aux genoux dans les flaques d'eau et marchait tout de travers. Pour le ramener, je passais mon bras droit autour de sa taille, son bras gauche à lui par-dessus mes épaules, le portant presque. Nous ne voyions plus rien que le noir intense de la nuit. Un grand vent nous fouettait la poitrine. Et dans ses sentiers, Yves ne se reconnaissait plus. On était inquiet dans sa chaumière et on veillait pour l'attendre. Sa mère le gronda de son air dur, en prenant une grosse voix, comme on fait pour gronder les petits-enfants. Et lui s'en alla tout penaud s'asseoir dans un coin. Tout de même, on nous obligea de souper une seconde fois. C'est la coutume. Une omelette, encore des crêpes et des tartines de pain bis avec du beurre. Ensuite, on procéda au coucher de la famille. Les hommes d'abord, puis on éteint la lumière, et les femmes se couchent après. Il y avait sous nos matelas de hautes litières faites d'un amas de branches de chêne et de hêtre. Cela s'affaissait avec un bruit de feuilles sèches, et on se sentait descendre, enfoncé dans un creux qui vous tenait chaud. « Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh » faisait le vent dehors, d'une voix de hulotte avec des airs de se fâcher, de s'indigner, et puis de se plaindre et de mourir. Quand la chandelle fut éteinte et que la chaumière fut noire, on entendit une voix douce de petite fille commencer une prière en breton. C'était une toute petite de 4 ans qu'on avait recueillie, un enfant que Gildas avait fait à une fille de Plouerzel lors de son dernier passage au pays. Une très longue prière, coupée de réponses graves de vieilles femmes. Tous les saints de la Bretagne, saint Corentin et Alain, saint Ténédan et Tégounec, saint Huguinal et Tugdual, saint Clète et Gildas furent invoqués. Et puis le silence se fit. Tout près de moi, la respiration, à peine perceptible d'Yves, déjà endormie d'un sommeil profond. Au pied de notre lit, les poules couchées, rêvant tout haut sur leur perchoir. Un grillon donnant de temps à autre, dans l'âtre encore chaud, une mystérieuse petite note de cristal. Et puis dehors, autour de la chaumière isolée, toujours ce vent, un gémissement immense, courant sur tout le pays breton. Une poussée incessante venue de la mer avec la nuit, émettant dans la campagne un monotone remuement noir à l'heure des apparitions et des promenades de mort. Chapitre 21. Bonjour Yves, bonjour Pierre. Et nous ouvrons à la lumière grise du matin les auvents de notre armoire. Ce bonjour Pierre, précédé d'un petit sourire d'intelligence, m'est dit avec hésitation d'une voix intimidée. C'est bonjour capitaine qui va à l'habitude de dire. Et il n'en revient pas de s'éveiller si près de moi, avec la consigne de m'appeler par mon nom. Pour en faire à croire aux gens de Plouerzel et garder la vraisemblance de mon costume d'emprunt, nous avions concerté cette intimité. C'était fini du rayon du soleil d'hiver et du grand vent de la nuit. Ce matin, il faisait un vrai temps de Bretagne, et tout ce pays était enveloppé d'une même immense nuée grise. Le jour était comme un crépuscule, et il semblait que cette lueur si blême n'eût pas la force d'entrer par les lucarnes des chaumières. On ne voyait plus rien des lointains, et une petite pluie lente était répandue dans l'air, comme une fine poussière d'eau. Nous avions affaire toute la journée promise chez les oncles, les cousins, les amis d'enfance, et ces chaumières étaient fort disséminées dans la campagne, Plouerzel n'étant pas un village, mais seulement une région autour de Neuchâtel. Les courses étaient longues, dans les sentiers humides, entre les talus couverts de mousse, sous la voûte des vieux êtres morts et sous le voile du ciel gris. Et toutes ces chaumières étaient pareilles, basses, enterrées, sombres, leurs toits de paille, leurs murs de granit brut, tout verdis par les cochléreas, les lichens, les fraîches mousses de l'hiver. Au-dedans, noirs, sauvages, avec des lits en forme d'armoire gardés par des images de saints ou de bonnes vierges en faïence. Nous étions reçus à cœur ouvert partout, et toujours il fallait manger et boire. Il y avait de longues conversations en breton, auxquelles, en mon honneur, on mêlait tant bien que mal un peu de français. C'était surtout de l'enfance d'Yves que l'on aimait à causer. Des bons vieux et des bonnes vieilles redisaient en riant ces mauvais tours d'autrefois, et ils avaient été nombreux à ce que je vis. Oh, le mauvais gars, monsieur, que ça faisait! Et lui recevait ses compliments avec son grand air calme et buvait toujours. Le forban couvait déjà, paraît-il, sous le petit sauvage breton. Le petit Yves qui sautait pieds nus dans ses sentiers de Plouerzel était le germe inconscient du marin de plus tard, indompté et coureur de bordée. Vers le soir, à marée basse, nous descendîmes, Yves et moi, dans le lit du lac d'eau marine, dans la prairie d'algues rousses. Nous emportions chacun une tartine de pain noir bien beurrée et un grand couteau pour prendre des berniques, un régal de son enfance qu'il voulait renouveler avec moi, des coquillages tout crus avec du pain et du beurre. La mer avait découvert de plusieurs kilomètres, mettant à nu les vastes champs de varech, la prairie profonde où l'herbe était brune et salée, avec d'étranges fleurs vivantes. Tout alentour, des parois de granit fermaient cette fosse immense et l'île en forme de bête couchée, dégarnie jusqu'aux pieds, montrait ses derniers soubassements noirs. Il y en avait beaucoup d'autres aussi, d'autres blocs qui s'étaient tenus cachés sous les eaux à mer haute et qui maintenant se faisaient voir, surgissaient avec leurs longues garnitures d'algues pendantes comme des chevelures mouillées. Sur la plaine sombre, on en apercevait de posés partout dans d'étranges attitudes de réveil. L'air froid était rempli de la senteur âcre du goémon. La nuit venait lentement de son pas silencieux de loup, et tous ces grands dos de pierre commençaient à faire songer à des troupeaux de monstres. Nous prenions les berniques au bout de nos couteaux, et nous les mangions toutes vivantes, en mordant à même dans nos tartines, ayant faim tous deux, nous dépêchant de finir de peur de ne plus y voir. « Ce n'est plus si bon qu'autrefois, » dit Yves quand il eut tout mangé, « et puis il me semble que je me sens triste ici. Quand j'étais petit, je me rappelle que ça m'arrivait de temps en temps, la même chose, mais pas si fort que ce soir. Allons-nous-en, voulez-vous ?» Alors moi, je lui répondais étonné de l'entendre. « Des manières de moi que tu prends là, mon pauvre Yves. Des manières de vous, vous dites. » Et il me regarda avec un long sourire mélancolique, qui m'exprimait de sa part des choses nouvelles, indicibles. Je compris ce soir-là qu'il avait beaucoup plus que je ne l'aurais pensé, des manières de moi, des idées, des sensations pareilles aux miennes. « Tenez, continua-t-il, comme suivant toujours le même cours de pensée, savez-vous une chose qui m'inquiète souvent quand nous sommes si loin, en mer ou dans ces pays de là-bas? Je n'ose pas vous le dire. C'est l'idée que je pourrais peut-être mourir et qu'on ne me mettrait pas dans notre cimetière d'ici. » Et il montrait de la main la flèche de l'église de Plouerzel, qu'on apercevait au-dessus des falaises de granit, très loin, comme une pointe grise. Ce n'est pas pour la religion, vous comprenez bien, car moi, vous savez, je n'aime pas beaucoup les curés. Non, une idée que j'ai comme ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et quand j'ai le malheur de penser à cette chose, ça m'empêche d'être brave. Chapitre 22. Ce fut le soir après souper que la mère d'Yves me recommanda solennellement son fils, et cela resta toute la vie. Elle avait bien compris, avec son instinct de mère, que je n'étais pas ce que je paraissais être, et que je pourrais avoir sur la destinée de son dernier fils une influence souveraine. Elle dit, traduisait la jeune fille, que vous nous trompez, monsieur, et qu'Yves aussi nous trompe pour vous faire plaisir, que vous n'êtes pas quelqu'un comme nous autres. Et elle demande, puisque vous naviguez ensemble, si vous voudrez veiller sur lui. Alors la vieille femme me commença l'histoire du père d'Yves, histoire que par Yves lui-même, je connaissais déjà depuis longtemps. Je l'écoutais volontiers, cependant, conté par cette jeune fille, devant la grande cheminée bretonne, où la flamme dansait sous une souche de hêtre. Elle dit que notre père était un beau marin, si beau qu'on n'avait jamais vu dans le pays un si bel homme marcher sur terre. Il est mort nous laissant 13 enfants. Il est mort comme beaucoup de marins de notre pays, monsieur. Un dimanche qu'il avait bu, il est parti en mer le soir dans sa barque, malgré un grand vent qui soufflait du nord-ouest, et on ne l'a jamais vu revenir. Comme ses fils, il avait très bon cœur, mais sa tête était bien mauvaise. Et la pauvre mère regardait son fils Yves. Elle dit, continua la jeune fille, que mes parents habitaient Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, qu'Yves avait un an et que moi, je n'étais pas encore venu quand notre père est mort. Alors elle a quitté cette ville pour retourner à Plouerzel en Goëlo, son pays natal. Mon père laissait nos affaires en grand désordre. Presque tout l'argent que nous avions eu autrefois était passé au cabaret. Et ma mère n'avait plus de pain à nous donner. C'est alors que nos deux frères aînés, Gildas et Goulven, sont partis comme mousses sur des navires au long cours. On ne les a pas beaucoup vus au pays depuis leur départ, et pourtant on ne peut pas dire qu'ils ne nous aimaient pas. Ils se sont longtemps privés de leur paye de matelots pour permettre à notre mère de nous élever, nous les plus petits, Yves, ma sœur qui est ici, et puis moi. Mais Goulven a déserté, monsieur, il y a plus de 15 ans, par un mauvais coup de tête. Eux aussi, dès la vieille femme, sont de beaux et braves marins. Leur cœur est franc comme l'or. Mais ils ont la tête de leur père, et déjà ils se sont mis à boire. Mon frère Gildas, reprit la jeune fille, a navigué 7 ans à bord d'un Américain pour faire, dans le grand océan, la pêche à la baleine. Cette campagne l'avait rendu très riche, mais il paraît que c'est un dur métier, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, un dur métier, en effet. Je les ai vus à l'œuvre dans le grand océan, ces marins-là, moitié baleiniers, moitié forbans, qui passent des années dans les grandes houles des mers australes, sans aborder aucune terre habitée. Il était si riche, mon frère Gildas, quand il est revenu de cette pêche, qu'il avait un grand sac tout rempli de pièces d'or. Il les a versés là sur mes genoux, dit la vieille femme, en relevant les pans de sa robe, comme pour les retenir encore, et mon tablier en était plein. De grosses pièces d'or des autres pays, marquées de toutes sortes de figures de rois et d'oiseaux. Il y en avait de toutes neuves, qui représentaient le portrait d'une dame, avec une couronne de plumes, et qui valait seule plus de 100 francs, monsieur. Jamais nous n'avions vu tant d'or. Il donna 1 000 francs à chacune de ses sœurs, 1 000 francs à moi, sa mère, et m'acheta cette petite maison où nous demeurons. Il dépensa le reste à s'amuser à Paimpol et à faire des choses qui, certainement, n'étaient pas bien. Mais ils sont tous comme ça, monsieur, vous le savez mieux que moi. Pendant 2 mois, on ne parlait que de lui dans la ville. Depuis, il est reparti, et nous ne l'avons pas revu. C'est un brave marin, monsieur, que mon fils Gildas, mais il est perdu comme son père, parce que lui aussi s'est mis à boire. Et la vieille femme courba douloureusement la tête en parlant de ce fléau sans remède qui dévore les familles des marins bretons. Il y eut un silence, et elle parla de nouveau à sa fille, d'une voix grave, en me regardant. « Elle demande, monsieur, si vous voulez lui faire cette promesse au sujet de mon frère. » Ce regard anxieux, profond, fixé sur moi, me causait une impression étrange. C'est pourtant vrai que toutes les mères, quelles que soient les distances qui les séparent, ont à certaines heures des expressions pareilles. Maintenant, il me semblait que cette mère d'Yve avait quelque chose de la mienne. « Dites-lui que je jure de veiller sur lui toute ma vie, comme s'il était mon frère. » Et la jeune fille répéta, traduisant lentement en breton. « Il jure de veiller sur lui toute sa vie, comme s'il était son frère. » Elle s'était levée, la vieille mère, toujours droite et rude et brusque. Elle avait pris au mur une image du Christ et s'était avancée vers moi, en me parlant comme pour me prendre au mot, là, avec une naïveté, une indiscrétion sauvage. « C'est là-dessus, monsieur, qu'elle vous demande de jurer. » « Non, ma mère, non, » dit Yves tout confus, qui essayait de s'interposer et de l'arrêter. « Moi, j'étendis le bras vers cette image du Christ, un peu surpris, un peu ému peut-être, et je répétais, « Je jure de faire ce que je viens de dire. » Seulement mon bras tremblait légèrement, parce que je pressentais que l'engagement serait grave dans l'avenir. Et puis, je pris la main d'Yves, qui baissait la tête rêveur. « Et toi, tu m'obéiras, tu me suivras, mon frère ?» lui répondit tout bas, hésitant, détournant les yeux avec le sourire d'un enfant. « Mais oui, bien sûr. » Chapitre 23. Nous n'eûmes pas longtemps à dormir cette nuit-là, mon frère et moi, dans notre lit en armoire. Dès que le vieux coucou de la chaumière eut dit 4 heures de sa voix fêlée, vite, il fallut nous lever. Nous devions être à Paimpol avant le jour, pour y prendre à 6 heures la diligence de Guingamp. À 4h30, ce triste matin d'hiver, la pauvre petite porte s'ouvre pour nous laisser sortir. Elle se referme sur un dernier baiser à Yves de sa mère qui pleure, sur une dernière pression de main à moi. Nous nous éloignons tous deux dans la pluie froide et la nuit noire, et en voilà pour 5 ans. Dans les familles de marins, c'est ainsi. À mi-chemin, nous entendons de loin sonner l'Angélus derrière nous à Plouhirzel. Nous nous croyons en retard, et nous nous mettons à courir, à courir. Nous avons le front baigné de sueur en arrivant à Paimpol. Nous nous étions trompés, on avait avancé l'heure de l'Angélus. Nous trouvons asile dans un cabaret déjà ouvert, où nous déjeunons en compagnie d'Islandais et d'autres frères de la côte. Et le soir du même jour, à 11 heures, nous arrivons à Brest pour reprendre la mer. Chapitre 24. J'avais conscience d'avoir accepté une lourde charge en adoptant ce frère insoumis, d'autant plus que je prenais très au sérieux mon serment. Mais le sort nous sépara le surlendemain et mit bientôt entre nous deux la moitié de la terre. Yves prit le large dans l'Atlantique et moi je partis pour le Levant, pour Stamboul. Ce fut seulement 15 mois plus tard, en mai 1877, que nous nous retrouvâmes à bord d'une certaine Médée, qui naviguait du côté de la Chine et des Indes. Chapitre 25. À bord de la Médée, avril 1877. Ça me va comme des guêtres à un lapin, disait Yves d'un air d'enfant, en contemplant ses manches pagodes et sa robe en soie bleue de Birmanie. C'était Aïe, ville de Siam au bord du golfe de Bengale. Il était assis au fond d'une taverne de mariniers, sur un escabeau d'une forme chinoise. Il était très ivre, et quand il eut ainsi souri de se voir vêtu comme un riche d'Asie, ses yeux redevinrent sombres et éteints, sa lèvre contractée et dédaigneuse. À ces moments-là, il était capable de tout, comme dans ses anciens jours. À côté de lui, il y avait le grand Kerboul, aussi gabier de misaine, qui venait de se faire apporter 15 verres d'une eau-de-vie très coûteuse de Singapour, et les avait successivement vidés, puis brisés à coups de poing, avec le terrible sérieux de l'ivresse bretonne. Et les débris de ces 15 verres couvraient la table sur laquelle il venait de poser ses deux pieds. Il y avait encore Barada, le canonnier, toujours beau et tranquille, avec son sourire félin. Les gabiers l'avaient par exception invité à leur fête, et puis le Hello, Barazer, 6 autres, du grand mât et 4 du beaupré, tous se carrant avec des airs superbes dans des robes asiatiques. Il y avait même le Hir, l'idiot, un de l'île de Saint, qu'ils avaient amené pour rire et qui buvait des ordures délayées dans son bol de rhum. Enfin, 2 Forbans, 2 Black Bulls, déserteurs de tous les pavillons, ancienne connaissance d'Yves, qui les avait ce soir-là ramassés tendrement sur la plage. C'était pour fêter Sainte Épissoire, patronne des gabiers, qu'ils s'étaient rassemblés, et l'usage me commandait d'y paraître avec eux, comme officier de manœuvre. Depuis un an, ils n'avaient pas mis le pied à terre, et le commandant, qui était content de son équipage, leur avait permis à eux, les meilleurs, de célébrer comme en France l'anniversaire de cette grande sainte. Il avait choisi cette ville de Yé, parce qu'elle lui semblait pour nous la moins dangereuse, le peuple y étant plus inoffensif qu'ailleurs et plus maniable. Dans cette salle qui était vaste et basse, avec des murailles en papier, il y avait en même temps que nous une bande de matelots de commerce américain, qui buvaient avec des filles rousses à longues dents, échappées des lupanards de l'Inde anglaise. Et ces intrus gênaient les gabiers, qui voulaient être seuls, et le leur donnaient à entendre. 11 heures. Les bougies venaient d'être renouvelées dans les girandoles de couleur, tandis qu'au dehors la ville siamoise s'endormait dans la nuit chaude. Ici on sentait qu'il y avait des coups de poing dans l'air, que les bras avaient besoin de se détendre et de frapper. « Qu'est-ce que c'est ? » dit l'un des Américains, qui avait l'accent de Marseille. « Qu'est-ce que c'est que ces Français qui viennent ici faire la loi ? Et celui-là qui est avec eux, moi, le plus jeune de tous, qui a l'air de poser et de les commander ?»« Celui-là, » dit Yves, faisant mine de ne pas seulement daigner tourner la tête, « celui-là, faudrait qu'il aurait des moustaches, celui qui y toucherait. » « Celui-là, » dit Barada, « qui il est ? Attendez donc, nous allons vous l'apprendre, sans qu'il ait besoin de se déranger, et vous allez voir, enfant, si ça va reluire. » Yves leur avait déjà lancé son escabeau de forme chinoise qui venait de crever le mur à toucher leur tête, et Barada, d'un premier coup de poing, en avait chaviré 2. Les autres, renversés sur les premiers, tous par terre, Kerboul assommait dans le tas à grands coups de table, éparpillant sur les ennemis les débris de ses 15 verres. Alors on entendit au dehors des gongs et des sonnettes, des frôlements de soie, de petits rires aigres des femmes. Et les danseuses entrèrent. Les gabiers s'étaient commandés des danseuses. Ils s'arrêtèrent en les voyant paraître, car elles étaient étranges, peintes comme des images chinoises, couvertes d'or et de pierres brillantes, des yeux à demi fermés, pareils à de petites fentes blanches. Elles s'avançaient au milieu de nous avec des sourires de femmes mortes, tenant leurs bras en l'air et écartant leurs doigts grêles, et dont les grands ongles étaient enfermés dans des étuis d'or. Et en même temps des odeurs de baume et d'encens. On brûlait des baguettes dans un réchaud, et une fumée alanguissante se répandait comme un nuage bleu. Des gongs sonnaient plus fort et ces fantômes dansaient, gardant leurs pieds immobiles, exécutant une espèce de mouvement rythmé du ventre avec des torsions de poignets. Toujours le sourire figé, le regard blanc des cadavres, il semblait que cela seul eût vie en elle. Ses gros reins cambrés de goules qu'agitaient des trémoussements lascifs, et puis au bout des bras raidis, ses mains écartées, inquiétantes, qui se tordaient. Le Hello, qui depuis longtemps dormait par terre, entendit les gongs sonner si fort, se réveilla et eut peur. « T'es par, » dit les danseuses, lui expliqua Barada Gouailleur, riant de lui. « Ah oui, les danseuses !» Il s'était levé et de sa large patte, qui cherchait en l'air incertaine, il essayait de rabattre ses bras tendus et ses griffes dorées, balbutiant la langue épaisse. « Faut pas, figure de paravent, faut pas montrer les mains comme ça, c'est vilain. Je croyais que c'était le diable. » Et il retomba par terre, endormi. Barada, lui, qui avait dépassé ce soir sa dose habituelle, le reprochait d'avoir la peau jaune. Il leur parlait de la sienne, qui était blanche. Blanche, blanche. Il en rabâchait de cette blancheur, qu'il s'exagérait beaucoup du reste. et voulait maintenant la leur faire voir. D'abord son bras, puis sa poitrine. Il disait « Tiens, regarde si c'est vrai !» Elles, les poupées jaunes d'Asie, continuaient leur lent et lugubre trémoussement de bête, gardant le mystère de leur rictus et de leurs yeux blancs tirés vers les tempes. Et à présent, lui, Barada, complètement nu, dansait devant elles, ayant l'air d'un marbre grec qui aurait pris vie tout à coup pour quelque bacchanale antique. Mais les Birmanes, montés comme des automates, dansèrent longtemps, longtemps, plus longtemps que lui. Et après, à la fin de la nuit, quand les gongs eurent fait silence, les matelots furent pris de frayeur à l'idée que ces femmes, payées pour leur plaisir, les attendaient. Les uns après les autres, ils s'en allèrent du côté de la plage, n'osant pas les approcher. Chapitre 26. C'était le grand ami d'Yves, ce Barada, qui s'était débrouillé pour repartir une troisième fois sur le même navire que nous. Enfant naturel, poussé à la belle étoile sur les quais de Bordeaux, très vicieux avec un bon cœur, plein de contrastes. Certaines notions premières de respect humain lui manquaient absolument. Son honneur à lui, c'était d'être plus beau que les autres, plus leste et plus fort, plus débrouillard aussi. Débrouillard et débrouillage sont deux mots qui résument presque à eux seuls toute la marine. Ils n'ont pas d'équivalent académique. Moyennant salaire, ce Barada professait à bord tous les genres d'exercices en usage parmi les matelots. Boxe, canne, chaussons, avec la gymnastique par-dessus le marché, et le chant et la danse. Souple comme un clown, l'ami de tous les Hercules de foire, posant chez des sculpteurs, luttant pour de l'argent chez des saltimbanques. Au premier rang, dans les fêtes de matelots, mais toujours en invité, buvant beaucoup mais ne payant pas, buvant beaucoup mais jamais trop, et passant au milieu de toutes les bacchanales, aussi droit, aussi souriant, aussi frais. Il avait à tout des reparties gouailleuses que d'autres n'auraient pas trouvées. L'accent gascon les rendait plus drôles, et puis il terminait ses phrases par une espèce de son à lui, un demi-rire qui résonnait dans sa poitrine profonde, comme ce roquement des lions qui bâillent. D'ailleurs bon, reconnaissant, serviable pour tous et fidèle à ses amis, n'ayant jamais qu'une parole, et répondant toujours avec la franchise renversante des enfants terribles. Faisant argent de tout, par exemple même de sa beauté à l'occasion, et cela naïvement avec sa bonhomie de sauvage, tellement que les autres qui le savaient lui pardonnaient comme à un plus enfant qu'eux. Yves se bornait à dire « Oh, ça n'est pas joli, Barada, je t'assure », et ne lui en voulait pas non plus. Tout cela s'amassait, s'amassait, se condensait en grosses pièces d'or cousues contre des reins dans une ceinture de cuir, et c'était pour en arriver, après son engagement de 5 ans, à épouser une petite Espagnole qui faisait des modes à Bordeaux, dans un beau magasin du passage Sainte-Catherine, petite ouvrière très raffinée, dont il portait toujours sur lui une photographie de profil, avec des cheveux coupés sur le front et une élégante toque en fourrure, ornée d'une aile d'oiseau. « Que voulez-vous, c'est une amitié d'enfance, » disait-il, comme s'il lui était nécessaire de s'en excuser. Et en attendant cette petite fiancée, il s'abandonnait à beaucoup d'autres par intérêt souvent, quelquefois aussi par vraie bonté d'âme, à la manière d'Yves, pour ne pas faire de la peine.